des années, dans le bruit de la ville, je veux retrouver mes champs de blé. Je veux retrouver la liberté et la tranquillité dans la campagne de mon enfance. Je Je veux que notre amour et aussi mes enfants grandissent au milieu de ces grands champs, loin des lumières de la ville et de tous ces bruits. C'est ainsi que je veux vivre ma vie.